Canadien errant, banni de ses foyers. Un Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers. Parcourait en pleurant des pays étrangers. Un jour, triste et pensif, assis au bord des flots. Un jour, triste et pensif, assis au bord des flots. Mon pays, mon pays malheureux.